Chapitre 5e. L'automne ramenait la cour à la résidence royale d'Altwalder, un antique rendez-vous de chasse situé, ainsi que l'indiquait son nom, dans une vaste forêt aux arbres séculaires. Ici, l'étiquette reprenait ses exigences. C'était l'époque des grandes réceptions, des invitations officielles, non pas circonscrites et intimes comme au Sommerschloss, mais s'étendant à tous ceux qui, par leur fonction ou leur naissance, avaient droit à l'hospitalité du souverain. Ces 6 semaines de représentations impitoyables étaient pour Christiane la période la plus pénible de l'année. Elle s'y soumettait avec la grâce résignée qu'elle apportait à ses devoirs d'État, sachant ne montrer que la grâce et cachant la résignation. Pour tous, elle avait un accueil souriant, une parole heureusement trouvée. Elle laissait à chacun l'impression qu'il avait été l'objet d'une faveur particulière. Aussi revenait-on fort satisfait de ce séjour en haut lieu, l'amour-propre y ayant eu son compte. La plupart des invités, au surplus, par le seul fait d'avoir respiré toute une semaine l'air ambiant de la cour, se sentaient, à leurs propres yeux, comme imprégnés de cette majesté royale qu'ils avaient vue de près. Ils puisaient dans leur vanité caressée une recrudescence d'attachement au trône. En somme, cette corvée, si redoutée de la reine, n'était pas une corvée inutile. Cette année, à l'ennui de ses amusements de commande, venaient se joindre des soucis d'un autre ordre. La conférence avait réalisé et au-delà ce que le roi pouvait espérer. Par ce temps de révolution, les souverains n'avaient garde de méconnaître cette vérité élémentaire et rebattue, que les couronnes sont solidaires entre elles, qu'en consolider une, c'est les consolider toutes. Aussi Éric avait-il remporté des promesses rassurantes, des engagements même pour le cas où ses difficultés intérieures s'aggraveraient. Il était dès lors tout à la réaction. Plus de traces des velléités libérales réveillées par Ewald. Il l'entendait redevenir le maître absolu, incontesté, que plus tard il relâcha les rênes, qu'il réalisa une partie des réformes si impatiemment réclamées par le pays, soit, peut-être, seulement il le ferait à son jour et à son heure. Comme Louis XVIII, mais d'une façon moins illusoire, il octroierait la charte des libertés. Son peuple ne la lui imposerait jamais. Poursuivant l'illusion jusqu'au bout, il ne désespérait pas de trouver chez Ewald un auxiliaire utile. Le prince, depuis quelque temps, se montrait si raisonnable, si plein de jugement, à coup sûr, on ne l'aurait pas contre soi dans cette campagne réactionnaire. La reine, sans ajouter une foi bien vive à la conversion de son beau-frère, augurait cependant mieux de l'avenir. On allait pouvoir se défendre, mais il fallait mener les choses prudemment. Peu à peu, sans secousse, on rentrerait dans le système d'autorité. Si Ewald voulait leur prêter un concours sérieux, rien de mieux. Et, malgré ses défiances, elle ne pouvait nier qu'à l'heure actuelle, il ne déployât un certain esprit de conciliation. Pendant la conférence, il s'était tenu sur la réserve, mais une réserve tout amicale. Aujourd'hui, il acceptait de se rendre à Altwalder pour un temps indéterminé, d'y reprendre l'œuvre du programme ébauché quelques mois plus tôt, d'assister le roi dans la composition du nouveau ministère. Tout cela ne voulait pas dire qu'il renonçât du jour au lendemain à faire de l'opposition, mais c'était beaucoup qu'il ne se renfermât pas dans un isolement farouche. Quoi de plus favorable à une entente que la cordialité des rapports quotidiens? Prise par la politique d'une part, de l'autre par la succession sans trêve ni merci des plaisirs obligés, Christiane était devenue presque invisible pour Ludmi. Celle-ci ne la voyait guère que sous son masque officiel, et ce changement était d'autant plus dur à la jeune fille qu'il venait après la douceur intime de la saison de Carlsbad. Plus que jamais, elle se sentait seule, toute noyée de tristesse au milieu de cette cour qu'elle aimait d'autant moins qu'elle la voyait de plus près. Ah, l'abbé Reichardt se trompait lorsque, dans sa charité aveugle, il prétendait que le monde avait de bons côtés. Que pouvait-il y découvrir, mon Dieu, qui racheta ses défauts? Et si encore ses défauts eussent eu de la grandeur? Mais non, tout ce qui l'entourait était d'un médiocre désespérant. Quel spectacle était-elle donc condamnée à avoir sous les yeux? Des ambitions secondaires voilées d'hypocrisie, des haines acharnées, peut-être, mais qui ne puisait même pas dans leur acharnement le courage de s'affirmer. Un empressement servile auprès des influents du jour, enfin un égoïsme immense, transudant de toutes parts, s'affichant avec un cynisme qui soulevait l'âme de dégoût. Certes, Ce n'était pas à la cour qu'il fallait étudier l'œuvre divine pour en concevoir la beauté. La jeune fille, toutefois, apportait des tempéraments à ses sévérités. Ainsi, elle éprouvait une sorte d'attrait pour la marquise de Rheinfels à cause de sa franchise primesautière, de son absence de prétention surtout, qui formait un contraste reposant à l'excès de prétention des autres. Cependant, ce caractère tout en dehors avait trop peu de points de contact réels avec celui de la comtesse de Heldt pour que, de leur sympathie réciproque, pût résulter une amitié sérieuse. L'exception véritable que faisait Ludmille était en faveur du duc de Leuven. D'instinct, elle se retournait vers lui. C'était vis-à-vis de lui seul qu'elle ne se retranchait pas dans son orgueil inaccessible. Elle arrivait à lui parler à cœur ouvert, simplement comme un ami qu'on sait devoir vous comprendre, ne se doutant pas que cette simplicité confiante, cet abandon de sa pensée, était la plus habile des coquetteries. Elle lui disait ses découragements, ses indignations, et lui trouvait toujours la parole juste pour la relever et apaiser ses révoltes. Il corrigeait l'âpreté de ses jugements, il combattait le scepticisme qui envahissait son âme, il la rendait meilleure en un mot. Que sous ses avertissements et ses remontrances, il se cacha un amour passionné qui allait grandissant sans cesse et qui éclaterait un jour, c'était ce que Ludmille était bien loin de soupçonner. D'autres, néanmoins, étaient plus perspicaces. L'assiduité constante du duc auprès de la demoiselle d'honneur ne pouvait passer inaperçue. Les commentaires ne tarissaient pas. L'épouserait-il ? Ferait-il la folie de se laisser prendre ? Véritablement, ce serait une chance, par trop inespérée, pour cette fille sans fortune, de bonne noblesse, mais pas de sang royal, tandis que lui, presque l'égal d'un souverain, fils de princesse médiatisée, cousin de la reine, sans compter les 10 millions de rentes que représentait le duché paternel. Il ne pouvait songer sérieusement à une alliance où la beauté et, mettons l'esprit, car la petite de Heldt n'en manquait certainement pas, constituait les seuls avantages appréciables. Il y avait bien la grande illustration du père, mais cela ne compensait pas les inégalités. Sans doute, le duc ne devait de compte à personne, et avec son rang, il n'avait nul besoin de s'étayer sur la situation de celle qu'il choisirait pour femme. N'importe, il y regarderait à deux fois, avant de conférer à cette petite fille le titre envié de duchesse de Leuven. Ces bavardages qui n'arrivaient pas jusqu'à Ludmille parvenaient aux oreilles d'Ewald, et tout occupé qu'il fût d'autres sujets, ne le laissait pas indifférent. Malgré lui, il s'intéressait à cette femme. Il eût voulu se rapprocher d'elle, s'appliquer à combattre et à vaincre ses préventions injustes. Au début, il avait haussé les épaules. Que lui importait qu'elle eût ou non de l'aversion pour lui ? De par les lois de l'atavisme, n'était-ce pas logique ? La fille du comte de Heldt ne devait-elle pas fatalement le traiter en ennemi ? Et il s'était dit qu'il n'y penserait plus. Pourtant, à Karlsbad, il y avait pensé. Ici, il y pensait plus encore. C'était un enfantillage, mais il lui donnait beaucoup pour avoir raison de cette froideur de parti pris. Il eût aimé aussi à savoir ce qui se passait dans cette jolie tête orgueilleuse. Lui, si dédaigneux d'ordinaire des propos oiseux du monde, se prenait à les écouter, à peser les chances matrimoniales du duc de Leuven. Quelles étaient ces chances ? Le prince rendait justice à Olaf. Il savait les trésors de bonté généreuse, de grandeur vraie, qui étaient en lui. Il savait que celle qu'il aimerait devrait être heureuse. Seulement, la femme qu'était Ludmille s'accommoderait-elle de ce tranquille bonheur ? Ewald croyait que non, et sans se demander pourquoi, il lui eût déplu d'admettre le contraire. Deux fois par semaine, les après-midi étaient consacrés à des chasses à cour que les invités suivaient soit en voiture, soit à cheval. Ludmille, peu avide de ce genre de distraction, trouvait moyen de s'y dérober aussi souvent qu'elle n'était pas désignée pour accompagner la reine. Impatiemment, elle attendait le départ bruyant de la chasse. Le son des fanfares, le galop des cavalcades, les aboiements d'émeutes frémissantes s'éteignaient dans le lointain et seule, elle se sentait allégée d'un grand poids. Elle profitait de sa liberté pour s'enfoncer dans quelques coins de la forêt, heureuse de reprendre possession d'elle-même. C'était de bons moments, ceux-là, une détente et un apaisement. Presque toujours, alors, sa rêverie la transportait à Felsenthal. Elle revoyait les grandes pièces solennelles, la salle d'armes aux lourdes panoplies, le salon immense et ses vieux portraits, les chevaliers à figure grise, les femmes raides et imposantes sous leurs paniers de brocart, puis, dans l'ombre de la haute cheminée, le vieillard au front lumineux, ses belles mains fines croisées sur ses genoux, faisant éloquemment le récit du passé, rappelant une à une les traverses de sa vie publique. Et par un enchaînement naturel, la pensée de Ludmy se reportait sur Ebald. Que sa haine contre lui subsista tout entière, nul doute. Mais pourquoi ressemblait-il si peu à ce qu'elle se l'était représenté? Pourquoi fallait-il qu'il se montrât grand jusque dans ses faiblesses, sincère jusque dans ses égarements? Dangereux, oh, certes, infiniment dangereux, mais capable d'ambitions vulgaires, dominées par des passions méprisables. Ludmy l'avait cru autrefois, aujourd'hui elle ne le croyait plus. Elle réfléchissait à ces choses, un jour qu'à la suite d'une longue pause solitaire dans la forêt, elle revenait par un petit sentier dans la direction du château. Elle marchait nonchalamment, les yeux baissés, frôlant d'une main distraite les lianes de ronces qui se dressaient à droite et à gauche sur leurs tiges pourpres, lorsqu'une ombre projetée sur son chemin lui fit lever la tête. Le prince Ebald était vis-à-vis d'elle. Ici, il n'y avait pas moyen de l'éviter. La route était si étroite qu'il fallait que l'un s'effaçât pour laisser passer l'autre, et tous deux restaient immobiles, Ludmy, troublée de cette rencontre inopportune, le prince la regardant avec un sourire de fine moquerie, jouissant de sa confusion évidente. « J'envahis votre domaine, comtesse, » dit-il. « Vous me pardonnerez, n'est-ce pas ? Cette indiscrétion qui n'était pas préméditée. » Et avant que la jeune fille pût répondre, « Du moment que l'indiscrétion est commise, je voudrais la pousser plus loin et vous imposer ma compagnie jusqu'au château. Toute bien gardée que sous la forêt, il est à peine prudent pour une femme de la traverser seule. » Le ton cordial dont la proposition était faite sortait trop des habitudes du prince pour ne pas étonner Ludmy, et elle demeura néanmoins impassible. « Je suis souvent rentrée plus tard, » dit-elle. « Il ne m'est jamais arrivé de rencontrer personne. » Une expression de mécontentement se peignit sur le visage du prince. « Alors vous me défendez de vous accompagner ?» Elle fit un signe négatif. « Je ne me permets pas de défendre quoi que ce soit à votre Altesse. » « Oh !» dit Ebald en riant, « que voilà bien une réponse correcte, digne d'une personne rompue aux usages de la cour. Jamais, à vous voir, comtesse, on ne vous croirait si respectueuse des conventions. Pour moi, j'imaginais, et jusqu'à plus en plein formé, j'imagine encore que 100 fois par jour votre indépendance doit se mettre en révolte contre toutes les formes vaines auxquelles ici on est tenu de se conformer. » Il s'était retourné, et profitant de l'autorisation vague de Ludmy, marchait à côté d'elle sur la mousse inégale qui bordait le chemin. La jeune fille pressait le pas, contenant son impatience. « Votre Altesse est trop bonne de daigner spéculer sur mes défauts, sur mes qualités, » dit-elle d'un accent hautain. « C'est un sujet qui ne mérite véritablement pas qu'on s'y arrête. »« Je pense le contraire, » articula Ebald lentement. Un instant, il s'arrêta et, la regardant bien en face, « Voyons, comtesse, voulez-vous conclure une trêve ?» Il eut un tressaillement aussitôt réprimé. « Je ne sache pas, monseigneur, qu'il y ait jamais eu combat. »« Vous affectez de ne pas me comprendre, » reprit-il plus sérieusement. « C'est une feinte qui n'est pas digne de vous. Moi, que vous jugez sévèrement, je vais vous donner l'exemple de la franchise. Je vais vous faire un aveu humiliant pour mon amour-propre. Vous dire, ce que vous soupçonnez peut-être, c'est que votre attitude m'irrite et me chagrine. Je ne me la suis pas expliquée tout d'abord, puis j'ai cherché, j'ai réfléchi. Aujourd'hui, je crois en démêler les causes. Cet éloignement que je trouvais étrange ne me surprend plus, mais je vous le répète, il m'afflige. Je ne m'inquiète guère en général de l'opinion des autres. Il m'importe peu que tous ces gens de la cour me jugent à faux, me dénoncent comme un fou dangereux, poursuivant une œuvre sacrilège. Il y a, vous le savez, des critiques qui louent. De votre part, c'est autre chose. Je vous le dis en toute simplicité, il me déplaît qu'une femme, telle que vous, nourrisse contre moi des préventions aveugles, qu'elle me condamne sans écouter ma justification. » Il parlait d'une voix dont toute trace d'ironie avait disparu et qui, vers la fin, tremblait d'une émotion sincère. Ludmy, à son tour, se sentait singulièrement ébranlée. Cet appel si imprévu faisait vibrer tout ce que son âme renfermait de loyal et de généreux. Peut-être allait-elle lui rendre franchise pour franchise, peut-être, oubliant à son exemple les barrières de toutes sortes qui les divisaient, allait-elle lui tendre la main, lorsque soudain, devant elle, apparut la pâle figure du père mort dans l'exil, les paroles d'amertume qu'elle avait entendues tant de fois retentirent à ses oreilles. Non, le passé avait creusé un abîme entre elle et cet homme qui lui offrait son amitié et sollicitait la sienne. Elle ne pouvait même pas être juste envers lui. Si vraiment il possédait un cœur noble et fier, si ses qualités rachetaient et au-delà ses folies et ses fautes, eh bien, d'autres avaient le droit de s'en apercevoir, elle voulait l'ignorer à jamais. Et dominant son hésitation passagère, elle répondit sur ce ton glacial qu'elle adoptait toujours vis-à-vis d'Ebald. « Je ne puis que répéter à votre Altesse qu'en daignant se préoccuper de mes sentiments, elle m'accorde une importance que je ne mérite pas. Je n'ai d'autre souci que de passer inaperçu. Si je suis venu à la cour, malgré mes répugnances, c'est parce que j'aimais la reine, parce qu'en la servant, il me semblait, dans ma faible mesure, prolonger le rôle de dévouement que mon père avait eu auprès d'elle. Je n'ai que ce seul but, et en dehors de la reine, rien ici n'existe pour moi. Quant à mes appréciations intimes, monseigneur, elles n'appartiennent qu'à moi seul. Votre route dans la vie est trop éloignée de la mienne pour que mon hostilité, si elle existe, puisse jamais vous atteindre. » Il y eut un moment de silence. Au-dedans de lui, le prince éprouvait une poignante déception. Il regrettait maintenant le mouvement spontané qu'il avait porté à s'humilier vis-à-vis de Ludmy. Il la savait fière, mais il l'avait cru prompte à reconnaître un élan véritable et à y répondre. Se serait-il mépris? N'y aurait-il rien, après tout, sous cette impassibilité orgueilleuse, rien que des rancunes étroites et une incurable sécheresse de cœur? Mais non. Un sanglot avait brisé sa voix quand elle prononçait le nom de son père. C'était cette mémoire, sacrée pour elle, qu'elle croyait honorer en se montrant implacable. Une exagération folle, mais qui ne pouvait germer que dans un cerveau jeune, enthousiaste. Ewald ne pouvait pas lui en vouloir. « Vous êtes résolu à demeurer inflexible, » reprit-il doucement. « J'aurais tort d'insister, mais je m'en fie autant pour plaider ma cause. L'expérience de la vie vous enseignera qu'un jugement absolu est presque toujours un jugement injuste. » Ils arrivaient au château et gravissaient ensemble les degrés du perron. Sur la dernière marche, Ewald s'arrêta. « Malgré tout, je ne me décourage pas. Malgré tout, je crois en votre impartialité. Je garde espoir que dans l'avenir, nous deviendrons amis. » S'inclinant devant elle, il s'éloigna à travers le vestibule, tandis que les hallebardiers signalaient son passage en frappant deux coups retentissants sur les dalles sonores. Quelques jours s'écoulèrent. Ludmy se demandait par instant s'il n'avait pas été le jouet de son imagination. Dans une vision rapide, elle avait entrevu un Ewald nouveau, et cette révélation lui paraissait si invraisemblable qu'elle en arrivait à douter que la conversation de la forêt ait réellement eu lieu. Lui d'ailleurs n'avait pas cherché à la renouveler. Était-il embarrassé de sa démarche anormale? Comprenait-il qu'il faisait trop d'honneur à cette petite fille en prenant ses ressentiments au sérieux? S'il en était ainsi, Ludmy s'en applaudissait. Ne pouvant plus honnêtement le haïr, elle n'aspirait qu'à oublier son existence. Le séjour d'Altwelder tirait à sa fin. Une semaine encore et les approches de Noël ramèneraient la reine à la résidence. Un calme relatif succéderait à cette vie agitée. Et Ludmy aspirait à ce calme. Là-bas au moins, elle ne serait pas perpétuellement ramenée à la pensée obsédante du prince Ewald. Ne le voyant que de loin en loin, il cesserait de s'imposer à elle avec l'opiniâtreté d'une idée fixe. Elle s'étonnait, au reste, qu'il fût encore à Altwelder, lui qui supportait de si mauvaise grâce les ennuis d'une vie de représentation. Il était retenu évidemment par la question politique, mais alors, combien cette question devait être longue à débattre, difficile à ajuster, et Ludmy se confirmait dans ses suppositions en observant la reine, en notant certains petits indices saisissables pour ceux qui avaient l'expérience de sa physionomie, la douceur inquiète du regard, une ride plus fortement accusée entre les sourcils, et surtout, le tremblement de la lèvre, ce petit mouvement nerveux qui annonçait chez elle une violente agitation intérieure. Tant bien que mal, on était arrivé au jour de la dispersion générale. Après-midi, ainsi que le voulait l'usage, les invités s'étaient rendus dans le salon d'honneur pour prendre congé du roi et de la reine entourés de leur maison. Pour la dernière fois, de longtemps au moins, ils avaient été admis à converser un moment avec leur souverain. Ils avaient pu leur adresser des remerciements discrets, recueillir les phrases de banale bienveillance qui, grâce à une longue habitude, sortaient toutes faites des bouches royales. Puis ils étaient montés dans les grands équipages de la cour pour gagner le train spécial qui devait les emmener. C'était fini, bien fini jusqu'à l'année prochaine. Le soir même, Eric et Ewald partaient, avec une suite restreinte, pour les chasses de Steyerhalt. La reine retournait directement à la résidence. La cérémonie des adieux avait été terminée vers 4 heures. Christiane s'était retirée dans ses appartements, s'appuyant sur le bras de Ludmi. À la porte, elle l'avait congédié. « Nous causerons demain », lui avait-elle dit en mettant une caresse sur son front. « Il y a bien des choses que je veux que vous sachiez, mais aujourd'hui, je suis si lasse. Si lasse, mon Dieu !» Et elle se détournait pour cacher ses larmes. À coup sûr, quelques nouvelles douleurs l'étreignaient. Les pressentiments de Ludmi ne l'avaient pas trompée. Rendue à elle-même, la jeune fille s'était dirigée vers le petit salon où se trouvaient réunis les divers instruments de musique. Elle n'y rencontrait personne et peut-être le son de sa propre voix lui ferait-il du bien. Combattrait-il la mélancolie indéfinissable qui l'envahissait, cette mélancolie qui saisit souvent à la chute du jour et qu'augmentait encore le silence lugubre et la lumière indécise de cette courte journée de décembre. Comme elle l'avait deviné, le petit salon était désert. Elle s'assit au piano et là, dans une demi-obscurité, se berçant des hymnes religieuses qu'elle chantait autrefois dans la chapelle de Felsenthal, elle s'abandonnait tout entière à la suavité apaisante de cette harmonie faite pour le ciel et qui l'entraînait bien au-dessus des préoccupations de la terre. Elle continuait, sans avoir conscience du temps, si absorbée qu'elle n'entendit pas tourner le bouton de la porte, qu'elle ne vit pas le prince Ewald s'avancer vers elle. Il était là depuis quelques instants, lorsque, levant les yeux, elle l'aperçut enfin. Elle pâlit et se leva précipitamment. « Je vous effrayais, je vous demande pardon, » fit-il. « Mais on m'a dit que vous étiez là et, comme je pars tout à l'heure, pour longtemps, je tenais beaucoup à vous faire mes adieux. » Sa voix tremblait. Il luttait visiblement contre une émotion indicible. « Vous savez que je devais suivre le roi à Steyerhalt, » poursuivit-il. « Mais tout est changé. Je ne puis pas. C'est ma faute. J'aurais dû me rendre compte que jamais nous n'arriverions à un accord. L'écart est trop grand, trop infranchissable. Dieu sait pourtant que j'ai tout fait pour le franchir. » Il secoua la tête comme chassant un souvenir importun. « Mon Dieu, vous ne comprenez rien à tout cela. Je voudrais vous expliquer, vous prouver que ce n'est pas moi qui ai tort. Ce sont eux qui se perdent avec leur politique insensée. Vous qui avez de l'influence sur la reine, je vous en conjure. Retenez-la sur cette pente de folie. Si vous pouviez vous douter où ils en sont, le ministère qu'ils viennent de composer, tous les noms les plus impopulaires réunis à dessein pour exaspérer le pays, et ils veulent que je m'associe à cela, autant me demander de leur arracher la couronne. » Il eut un geste de colère, puis, comme honteux de son emportement, il reprit sur un ton plus doux. « Vous me voyez bien peu maître de moi, mais vous qui aimez la reine, vous souffririez comme je souffre, si vous saviez dans quelle voie on l'engage. J'ai résisté jusqu'à la fin. Je suis là de l'impéritie des uns, de l'obstination des autres. Qu'ils achèvent leur triste besogne sans moi, en dehors de moi. Au moins, le jour de la catastrophe, je n'aurai encouru aucune responsabilité. » Il se rapprocha de Ludmi, qui, ses yeux angoissés fixés sur lui, n'articulait pas une parole. « Je pars, » dit-il d'un ton qui, cette fois, trahissait plus d'attendrissement que d'amertume. Je pars, le cœur ulcéré. Je ne sais quand et dans quelles circonstances il me sera donné de vous revoir, mais avant de m'en aller d'ici, je voudrais obtenir l'assurance que vous rendez justice à la droiture de mes intentions. Autour de vous, on va m'attaquer, me condamner. On va dire encore que je joue un rôle coupable et odieux. Ces accusations, n'y ajoutez pas foi, car devant Dieu, je vous l'affirme, je ne les ai pas méritées. Il lui tendait la main. Ludmi, comme subjugué, avança lentement la sienne. « Je crois à votre sincérité, monseigneur. » Une étreinte douce et ferme retint un moment ses petits doigts glacés. Un murmure de paroles émues caressa son oreille, confusément, comme dans un rêve, et le prince disparut. Restée seule, elle s'affaissa, et repliée sur elle-même, elle pleura longuement, éperdument, tandis que les ombres du soir s'épaississaient autour d'elle.